Je suis un stylo et je glisse sur une feuille de papier. Quand j'ai du boulot, j'existe et je recueille des pensées. Je suis une extension de la main de mon maître. Toujours en expansion dans les textes et chansons, dans les quatrains, les vers et les lettres. L'encre est mon sang, la plume est ma voix. Sur mon ventre, ses doigts me consument en me cassant. Entre lui et moi, un poème indécent. L'encre est mon sang, la plume est ma voix. Je suis un stylo et je m'applique sur tout grammage de papier. Nous sommes des milliers, ma trace est unique sur les pages de son cahier. Ma valeur est sentimentale pour les matérialistes. La chaleur de ses doigts jusqu'au mental m'attriste et me rend altruiste. L'encre est mon sang, la plume est ma voix. Sur mon ventre, ses doigts me consument en me cassant. Entre lui et moi, l'encre est mon sang, la plume est ma voix. L'encre est mon sang, la plume est ma voix. Sur mon ventre, ses doigts me consument en me cassant. Entre lui et moi, un poème indécent. L'encre est mon sang.